Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul au boulot, en randonnée dans une chaise longue ou tranquille dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Aujourd'hui, Le Péril Jeune, un documentaire de Camille Jusa réalisé par Julie Béressy. Au départ de ce documentaire, il y a cette impression que la délinquance juvénile est un marronnier, qu'elle revient quand le temps se gâte et qu'on ne sait plus trop quoi dire et que ce refrain, on l'a déjà entendu quelque part. Alors pour commencer, les personnages, un sociologue qui relativise, un autre qui décode, un historien qui déroule le fil, une historienne sur le terrain, Gavroche et une avocate qui veut comprendre. Ensuite, le décor. La guerre des boutons, la prison, les apaches, le vagabondage, la libération, les blousons noirs, les minguettes, le racisme, des lois durcies, des stéréotypes et des campagnes électorales. Aujourd'hui, on remonte le temps. Le journal, Bernadette Chamonaz. Bonjour, plus de 400 voitures brûlées cette nuit en banlieue parisienne. Nous irons à Clichy-sous-Bois, là où tout a commencé. Sandrine Houdin a rencontré ces jeunes qui brûlent. Dans le domaine de la violence, il y a un autre phénomène qui inquiète de plus en plus les policiers. C'est celui des bandes organisées dans la région parisienne. Elles se multiplient, s'affrontent, à chacune son credo. Ça va des graffitis dans le métro au viol collectif. Imaginez que nous avons 19 000 délinquants qui ont plus de 50 inscriptions condamnation sur nos fichiers. Le nombre des affaires jugées par les tribunaux pour enfants en 1939 était de 12 000 environ. En 1945, il dépasse 35 000 et atteint peut-être 40 000. Ouvrons une fois encore le chapitre blouson noir. On nous accuse, on accuse la presse de trop parler des blousons noirs. Pourtant, le problème existe et mieux vaudrait le trancher. Retour en France maintenant avec une statistique inquiétante. En effet, la délinquance juvénile se répand de plus en plus. En 6 ans, elle a augmenté de plus de 60%. Beaucoup de nos jeunes ont changé. Les valeurs ont été détruites. Il nous faut adopter des réponses adaptées à la situation. Alors la police a décidé de s'organiser pour lutter contre cette plaie de la société. Elle est en train en ce moment de tenter une nouvelle expérience. On la demande dans les quartiers chauds, où de jeunes sauvages brûlent la voiture de leurs voisins. Cette brigade s'est donné trois tâches, prévenir, protéger et aussi réprimer. Ils seraient de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Ils agiraient souvent en bande et n'auraient plus de limites. Eux, ce sont les jeunes délinquants. Le phénomène serait de société, il serait même inquiétant. Mais de qui parle-t-on? De la jeunesse déviante de 2015 ou de celle de 1910? De celle de 1950 ou celle de 1990? À tendre l'oreille, on frôle la rengaine, voire le disque rayé. Que fait-on en France pour l'enfance délinquante? Où en est l'organisation des maisons d'éducation surveillées? Quelle méthode y emploie-t-on pour redresser la personnalité des jeunes détenus? Quand je regarde les rapports de police, et je vois qu'un mineur de 12 ans ou de 13 ans, à 1h du matin, dans le quartier d'une ville, lance des cocktails Molotov sur un bus, n'y a-t-il pas un problème de responsabilité des parents? Les parents, manifestement négligents, pourront voir leur responsabilité engagée sur le plan pénal. Je trouve que maintenant on parle énormément de la démission des parents, du conflit d'autorité entre jeunes et vieux, et que l'on dit qu'au fond, si tout cela arrive, s'il y a tant de blousons noirs et tant de blousons dorés, c'est de la faute aux parents. Faut-il que nous ayons peur de nos enfants? Ont-ils changé? Ces questions traversent la société française depuis 25 ans, crispent le débat entre la droite et la gauche qui se balancent à la figure des procès qui en laxisme, qui en dérive sécuritaire. La délinquance des mineurs fait régulièrement la une de nos journaux, au point que certains soirs, devant notre télé, on pourrait croire que la France vit sous la menace d'un péril jeune. Mais si la panique d'aujourd'hui ressemble à celle d'hier, que faut-il comprendre? Comment expliquer la résurgence régulière de cette méfiance à l'égard d'une jeunesse dont on perdrait le contrôle? Quels événements la déclenchent? Et a-t-elle un quelconque rapport avec la délinquance juvénile réelle? Que dit enfin notre peur des rapports que nous entretenons avec nos enfants? Nous nouvelle nuit chaude à Clichy-sous-Bois, le quartier de la Forestière s'est encore enflammé hier soir. La banlieue lyonnaise, de nouveau en proie à la violence, des incidents ont eu lieu. Deux bandes rivales se sont affrontées la nuit dernière à Créteil dans la banlieue. La police va renforcer ses patrouilles. Les loupards de Vénissieux avaient déjà fait parler. Nicolas Sarkozy à la télévision a affirmé la tolérance zéro pour les fauteurs de troupes. Les parents parlent de s'armer de fusils et les jeunes d'organiser une expédition punitive. Le péril jeune ou la fabrique d'une peur, un documentaire de Camille Jusa et Julie Béressy. Dès qu'on fait un petit peu d'histoire, on s'aperçoit que en réalité les discours sur la délinquance des jeunes qu'on entend aujourd'hui sont des choses qui ont déjà été dites et entendues par le passé. Laurent Mukwili, sociologue. En particulier, cette idée que, au fond, les jeunes seraient de pire en pire, au fond, autrefois, ils étaient mieux, il y avait une morale, il y en a plus, il y avait du respect, il y en a plus, il y avait des codes, il y en a plus, ils sont plus jeunes, ils sont plus violents, ils respectent plus rien, nanani nanana. Mais il y a aussi quelque chose, évidemment, de supplémentaire, et de particulièrement prégnant de nos jours, qui est que c'est aussi une des figures, ou une des façons d'exprimer une inquiétude sur l'avenir. Donc du coup, ce discours classique de vieux sur les jeunes prend une dimension encore plus décadentiste. On frôle parfois ce qu'on appelle en sociologie des paniques morales, hein, c'est-à-dire des paniques sur l'état des mœurs, où on fantasme comme ça les retours, la barbarie, autre chose qu'on peut entendre très régulièrement. Malheureusement, la seule source d'information statistique qui est connue dans le débat public, ce sont les statistiques des administrations, en l'occurrence celles de la police et de la justice, c'est-à-dire les administrations qui prennent en charge les jeunes délinquants. En gros, je me saisis d'une affaire, je fais un dossier. Et donc, à la fin de l'année, je compte le nombre de dossiers que j'ai eus, le nombre de jeunes qu'il y a dedans, et je dis, la délinquance juvénile, c'est tant. Dès qu'on a compris ça, on a compris que ça n'est pas un espèce de sondage sur la réalité, c'est le comptage des procédures de l'administration. Lorsque je vais comparer dans le temps, donc regarder ce qui se passe d'une année sur l'autre et année après année, est-ce que je peux également me permettre l'hypothèse naïve consistant à penser que l'administration fait toujours la même chose sur la base du même calcul, etc. et que donc le chiffre qu'elle me donne d'année en année est le témoignage là aussi d'une évolution dans la réalité. Or là aussi, c'est une grande naïveté, c'est une erreur, car en réalité les pratiques administratives qui derrière en l'occurrence sont sous-tendues par la loi pénale, par les pratiques du code pénal et du code de procédure pénale, cette loi ne cesse de changer. Par conséquent, en fait, l'administration, la façon dont l'administration agit, se transforme et le rapport qu'elle a à la réalité délinquante se transforme. D'où l'erreur de tous les discours naïfs qui consistent à tracer une courbe, par exemple, de 1960 à nos jours, à partir de la statistique de la police, par exemple, et à dire « Oh, ben regardez, l'évolution de la délinquance des mineurs, c'est ceci ou c'est cela. » Il y a une réactivation permanente du péril jeune. Si vous prenez des références aussi anciennes que Socrate ou ce genre de choses, vous avez toute une série, vous voyez, de choses sur la jeunesse d'aujourd'hui, c'est plus que c'était. Laurent Bonelli, sociologue. Bon, la jeunesse aujourd'hui ne sera pas capable de maintenir notre culture, les gens sont mal élevés. Et vous trouvez ça sur des poteries babyloniennes à 2000 avant Jésus-Christ. Et c'est fou. Donc, vous voyez, il y a quand même une sorte, j'ai envie de dire, de longue histoire sur cette question-là. Le péril jeune est très largement une construction. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Il existe, bien entendu, des comportements déviants, liés à la transgression de l'adolescence. En revanche, on ne peut pas dissocier ces comportements des toiles de sens dans lesquelles ils sont pris. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? La manière dont on va interpréter des faits, c'est pas neutre pour les gens qui ont en charge de les combattre, c'est pas du tout la même, vous n'allez pas agir comme juge de la même manière en vous disant « bon, c'est une petite connerie, mais ça va passer ». Et vous dites bah, « c'est extraordinairement grave, c'est une responsabilité individuelle, etc. etc. » Vous n'allez pas juger de la même manière. Y compris une victime ne va pas le vivre de la même manière. Donc en réalité, on ne peut pas séparer, voyez, des actes de la manière et du sens qui leur est donné. On s'est amusé avec un ami qui s'appelle Bertrand Rotet à prendre un ouvrage que chacun connaît qui s'appelle « La guerre des boutons ». Pourquoi? Parce que je prenais souvent cet exemple en conférence en disant bah, « aujourd'hui, je suis sûr que les enfants de la guerre des boutons termineraient en prison ». Pourquoi cet exemple, il est pédagogique? Tout simplement parce que, des gens de ma génération, la guerre des boutons, c'est quelque chose qu'on lisait à l'école. Ça faisait partie des classiques de la littérature française. Si vous regardez les comportements, c'est effectivement toute une série de comportements, de violents, d'affrontements, de bandes de jeunes entre deux villages, avec des faits de violence assez durs, ils se battent, ils se torturent un peu, etc. Et effectivement, donc Bertrand Rotet a donné ce scénario à lire à des magistrats. Et les magistrats se sont rendus compte, à leur corps défendant, qu'effectivement, ils finiraient par mettre ces gens en taule. Le braque terminerait en prison. Et ça, vous voyez, je crois que c'est vraiment important, parce que comment quelque chose qui a marqué des générations comme, finalement, une référence ordinaire, aujourd'hui, finalement, c'est véritablement des délits pénaux graves qui amènent des gens mineurs en prison. Et ça, vous voyez, quand je vous dis que le regard change, et le regard qui changent, produit des pratiques différentes qui changent, et qui, à leur tour, viennent justifier le regard. Bah oui, si les gens sont en prison, c'est bien que c'est très grave. Et donc, en ce sens-là, il y a la question, c'est une construction. Il y a des faits, mais on ne peut pas séparer ces faits de l'interprétation qui en est donnée et des mesures que cela déclenche. C'est vrai que vous torturez les prisonniers ? Et t'as encore rien vu ? Camus, passe ton couteau. Qu'est-ce que tu vas me faire ? Allez, reculez vous autres ! Faut que tout le monde voit ! Alors les gars, qu'est-ce qu'on lui coupe ? Les oreilles ! La langue ! Le tarot ! Pizzi ! Si tu me touches, je le dirai au curé, je vais au maire du pays ! Pour te zébé que tu le diras, t'as un peu de langue ! Ni zizi ! Alors les gars, on commence par le haut ? Ouais ! Les oreilles d'abord, tenez-le bien ! Oh non ! Non, non, fais passer le break ! Non, non ! Trouillard, c'est le dos du couteau, t'as pas honte ! Et maintenant, on passe aux choses. Non ! Non ! Aux choses sérieuses. Tes oreilles, ton tarin, ton zizi, j'en ai rien à faire. Il n'y a qu'une chose qui compte chez l'homme. C'est l'honneur. Et je t'ai appris de croire que dans 5 minutes, tu seras pas fier. Oh non ! Oh non, non ! Non, la braque ! Fais pas ça ! Il y a toujours eu de la délinquance juvénile. C'est-à-dire, il y a toujours eu des gens jeunes en âge commettant des infractions. Jean-Jacques Ivorel, historien. Mais en tant que problème social singulier, différent de la délinquance en général, c'est une construction, au regard de l'histoire, relativement récente. Elle remonte en gros aux monarchies constitutionnelles, c'est-à-dire à la Restauration et à la monarchie de Juillet, 1815-1830, 1830-1848. C'est à ce moment-là qu'on va vraiment faire de la délinquance juvénile une question singulière, méritant un traitement singulier de cette question sociale particulière. On a d'abord une vision globale de la délinquance. Le grand livre de Chevalier, classe laborieuse, classe dangereuse, hein, résume bien cette situation. La délinquance, c'est l'affaire d'une classe dangereuse, qui se confond avec les classes populaires urbaines. Et il y a donc une déclinaison juvénile de cette classe dangereuse, qui est le gamin de Paris. Je suis tombé par terre, c'est la faute à Voltaire. Mené dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau. Alors, on a là, sur le gamin de Paris, on a une... Il y a une illusion, hein, en quelque sorte, qui a été un peu introduite par Victor Hugo, qui fait de Gavroche un héros positif. Mais c'est pas du tout un héros positif au regard des contemporains. C'est un effroyable personnage, le gamin de Paris. Que vous preniez Stendhal, Chateaubriand, les frères Goncourt, ils tiennent sur le gamin de Paris des propos absolument épouvantables. Les frères Goncourt croisent un gamin de Paris dans une boutique, dans un magasin, et voilà ce qu'ils en disent. « Je n'ai jamais vu dans l'enfance une pareille fleur de fumier, une pareille coulée d'argot, une âme si flétrie, quelque chose produisant en vous une répulsion qui va presque jusqu'à la peur. Toutes les corruptions, toutes les canailleries de Paris dans un petit monstre de l'âge de la première communion, poussé au moral comme un sang où se seraient succédé 3 générations de vérole, un de ces enfants où tout le mal, tout le vice d'une capitale de 2 millions d'hommes est en effrayante miniature. » Parallèlement, en même temps, au même moment, on va inventer 3 choses. La première chose, c'est qu'on va essayer d'inventer une prison sans les inconvénients de la prison. Donc, en explorant 2 pistes, un quartier spécifique pour les mineurs et une prison spécifique pour mineurs. Bon, on n'en créera qu'une, la Petite Roquette à Paris. Voilà. Mais parallèlement, en même temps, on crée le patronage, hein, c'est-à-dire que les enfants seront placés dans des familles d'accueil, en apprentissage, chez des artisans ou des paysans. Et on invente un troisième dispositif, les colonies agricoles, pénitentiaires. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un établissement qui se veut éducatif, réservé aux mineurs de justice, et qui n'est pas la prison. Alors le principe de la colonie pénitentiaire, c'est situé à la campagne, parce que la nature qui rapproche de Dieu est soumise à l'autorité, nous dit le créateur de la plus célèbre colonie qui est celle de Maitrey. L'idée première de l'époque, hein, c'est éloigner le jeune de la ville délétère qui est la cause de sa déviance, hein, pour le ramener à la campagne. Et puis c'est très agrarien aussi comme idéologie, hein, on va transformer les petits citadins en ouvriers agricoles. Le projet de départ est éducatif, mais il va tout de suite dériver Et ces colonies seront très très vite des institutions disciplinaires, à tel point que par exemple Michel Foucault dans Surveiller et Punir fait de Maitret la quintessence même de l'institution disciplinaire, celle qui a su conjuguer toutes les formes de soumission et de discipline. Et ces trois dispositifs, ils sont contemporains et ils sont issus de cette réflexion sur les méfaits de la prison pour les enfants. Emploi du temps de la colonie agricole de Maitret. 4h45, levée et rangement des hamacs. 5h, toilette de propreté et prière. 5h15, distribution du supplément de nourriture aux bons travailleurs. 5h30, distribution des travaux. 7h55, déjeuner et récréation. 8h30, distribution des travaux. 8h55, fin des travaux. 13h, dîner et récréation. 14h, classe. 15h30, distribution des travaux. 19h50, fin des travaux. 19h50, fin des rangement travaux. Des rangement des outils. 20h, souper. 20h45, prière et chant du soir. 21h, coucher. 22h, couvre-feu. 6h, nettoyage général de la maison. 8h, messe. Il y a un grand changement à la fin du 19e siècle. C'est que justement, on est obligé d'abandonner, au moins partiellement, la vision délinquance à faire d'une classe dangereuse, qui se confond avec les classes populaires. Donc, il y a un nouveau discours qui se tient sur la délinquance, et qui va s'appliquer y compris aux mineurs, c'est on n'a plus affaire à une classe dangereuse, on a affaire à des individus dangereux. Et on va déterminer un âge des risques qui va être l'adolescence. C'est dans ce contexte qu'on a la figure de la Pache. Donc la Pache est d'abord une fabrique médiatique. Et là, on va retrouver ce qu'on trouve donc à chaque fois dans tous les archétypes, c'est-à-dire une série de traits communs à la Pache, un vêtement, un langage, des pratiques culturelles, le bal, et puis donc des conduites déviantes. La Pache, alors d'abord il est souteneur, et puis il pratique l'attaque nocturne. En fait, il s'agit de bandes informelles, sans véritable chef la plupart du temps, fondées sur la proximité géographique. Dans la Pache, par Aristide Bruon. Chez un bistrot du quartier de la ville Toulouse, les barbillons trinquaient à la santé. Dans leurs poteaux qui décoraient sans trousse, et l'on chantait « Vive la liberté !» Ohé, les apaches, à nous les sages, les langues avirones, les longes d'assassins, pour le bidon des roussins et pour le ventre des casseroles. La construction est médiatique parce que, d'abord parce que c'est les médias qui inventent le mot. Il n'est pas neutre, hein, le mot apache. Il est très très important lui-même parce que on le comprend mal aujourd'hui parce qu'on n'a pas la culture des gens de l'époque. Hein. Il y avait une très forte culture du roman de prairie, pour dire, du roman d'indiens et de cow-boys. Et dans cette culture, il y a les bons indiens, ceux qui sont civilisables, et puis il y a les mauvais indiens, ceux qui sont inassimilables, et les mauvais indiens inassimilables, ceux qu'on va être obligé de détruire physiquement, c'est les apaches. Quand je dis que c'est une fabrication médiatique, parce que bon, on donne un nom, on donne des caractéristiques précises, etc., à un phénomène qui existe depuis fort longtemps, qui est tout simplement la constitution de groupes juvéniles. Et ça, ça existe, bon, je veux dire, tout jeune appartient à une bande. C'est un groupe de pères avec lequel, pour l'essentiel, on gère le temps libre, les loisirs, et on commet parfois quelques infractions, mais c'est pas structuré autour de l'infraction. C'est-à-dire que la bande de jeunes, c'est pas le milieu qui, lui, est structuré autour de l'acte délinquant, où on se réunit pour commettre des délits. La bande de jeunes, non. Elle est ensemble pour s'amuser. Et au cours de ses amusements, elle va commettre quelques délits, mais elle est pas structurée sur le délit. Bandit, voyou, voleur, schnappant. Qu'est-ce que ces hurlements? Bandit, voyou, voleur, schnappant. C'est la meute des honnêtes gens qui fait la chasse à l'enfant. Il avait dit J'en ai assez de la maison de redressement. Et les gardiens à coups de clé lui avaient brisé les dents. Et puis il l'avait laissé étendu sur le ciment. Bandit, voyou, voleur, chapant, maintenant il s'est sauvé. Et comme une bête traquée, il galope dans la nuit. Et tous galopent après lui, les gendarmes, les touristes, les rentiers, les artistes. Bandit, voyou, voleur, chapant. Nulle trace d'une figure de jeune délinquant entre les deux guerres. La guerre a fauché les hommes, la natalité est en chute libre. La peur se déplace, on craint la pègre, le milieu, la mafia. On fiche la paix aux enfants. Au point que les maisons de correction deviennent insupportables à l'opinion. Alors vous êtes à la ferme de Champagne. Et la ferme de Champagne, c'est à Savigny-sur-Orge, sur le plateau de Champagne. Véronique Blanchard, historienne et directrice du musée de la protection judiciaire de la jeunesse. Et vous êtes dans une ancienne institution du ministère de la Justice qui s'appelait un centre d'observation, qui a ouvert ses portes en 1945. Au départ, en 1945, ça a fait 60 hectares. On est dans la banlieue sud de Paris et c'est vraiment la campagne. Donc il faut que vous imaginiez des grands champs à la place de ces bâtiments qui sont là autour de nous. Vous avez des jeunes qui vont arriver tous les soirs et qui seront au total en permanence entre 150 et 200 et qu'on observera pendant à peu près 3 mois, 2 mois et demi, 3 mois. Et quand vous dites qu'ils arrivent tous les soirs, ils ont été récupérés par la police, par la justice Ils arrivent tous les soirs du tribunal pour enfants de la Seine. À l'époque, c'est le tribunal pour enfants de la Seine qui accueille tous ces enfants de la région parisienne. C'est à Paris, sur l'île de la Cité. Ils y passent souvent 48 heures. Ils voient le juge des enfants et pour certains, le juge des enfants va décider d'une mise en observation. Ils vont monter dans le panier à salade, prendre la route, la N20, et arriver à la ferme de Champagne, juste derrière le bâtiment que vous avez là, monter un petit escalier et arriver dans l'aile d'accueil. Quels sont les délits qui amène les enfants ici et quel âge ont-ils ces enfants ? Alors, ils ont entre 13 et 21 ans, en grande, grande moyenne 16-17 ans. Les délits, majorité, extrêmement grande majorité des délits à Savigny-sur-Orge, c'est le vol. Le vol simple, le vol en réunion, le recel, parfois un petit peu la violence, mais pas seulement des délits, puisqu'il y a aussi des mineurs qui sont amenés à Savigny-sur-Orge dans le cadre du vagabondage. Le vagabondage, à partir de 1935, n'est plus un délit, donc on est en protection. Et puis il y a des mineurs qui viennent ici dans le cadre de la correction paternelle, donc dans la suite d'une demande des parents, ce qui est le cas de François Truffaut. François Truffaut est placé à l'éducation surveillée dans un centre d'observation, parce que sa mère va le demander. Pourquoi as-tu rapporté la machine ? Oh bah parce que comme je pouvais pas la revendre, comme je pouvais rien en faire, moi j'ai eu peur, il a fait. Je sais pas, je l'ai rapporté, je sais pas pourquoi, comme ça. Dis-moi, il paraît que tu as volé 10 000 francs à ta grand-mère. Elle m'avait invité, c'était le jour de son anniversaire. Et puis alors, comme elle est vieille, elle mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Alors, comme je connaissais sa planque, j'étais lui faucher des ronds, quoi, je savais bien qu'elle s'en apercevrait pas. La preuve, c'est qu'elle s'en est pas aperçue. Elle m'avait offert un beau bouquin ce jour-là. Alors, ma mère, elle avait l'habitude de fouiller dans mes poches. Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit, elle est sans doute venue, puis elle a fauché les ronds, parce que le lendemain, je les ai pu trouver. Puis elle m'en a parlé, alors j'étais bien forcée d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé, parce que je voulais le lire. Et je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Non, je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirais des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges. Alors, donc, l'idée de l'observation, c'était non seulement de connaître l'enfant, mais c'était aussi de faire des propositions au sujet des enfants le concernant pour la suite du suivi judiciaire. Donc, du coup, le centre d'observation de Savigny-sur-Orge, et en particulier le médecin psychiatre, faisait des préconisations. Il faut placer ce jeune le plus loin possible de sa famille, dans un internat où il va pouvoir faire de la menuiserie. Il faut laisser ce jeune dans sa famille, mais lui trouver une activité professionnelle, etc., etc. Donc à la fin des 3 mois, vous avez un bilan dressé par le centre d'observation et des préconisations au juge des enfants qui ensuite, en tant que juge, va bien sûr lui décider s'il suit les préconisations du centre d'observation ou s'il fait autre chose avec le mineur et sa famille. En quoi c'est une rupture par rapport à ce qui se faisait avant-guerre ? C'est une rupture parce qu'on veut absolument sortir de ce qu'on a appelé les maisons de correction, qui étaient des lieux de la punition, de la discipline. Et ça, c'est une image très noire qu'on a en 1945 de ces institutions-là. C'est une rupture parce qu'on va mettre en avant, comme le dit le texte de 1945, le primat de l'éducatif sur la punition, l'incarcération, etc. C'est une rupture parce que observer un caractère plutôt que s'attacher à un délit, c'est très neuf. Donc il ne s'agit plus de juger l'acte commis par le mineur, mais il s'agit de comprendre le contexte dans lequel il a commis cet acte, son contexte familial, social, psychologique. Le 3 février 1945, tout n'a pas changé en matière de justice des enfants et il va falloir près de 30 ans à cette institution, à ses professionnels, aux juges des enfants aussi, pour construire un nouveau regard porté sur les mineurs de justice. Et je pense que certains enfants dans les années 50 ici n'entendaient pas les petits oiseaux et avaient véritablement l'impression d'être en cage. Et puis après, bien sûr qu'on est pris dans les préjugés de l'époque, dans les stéréotypes de l'époque et dans cette idée encore très présente dans les années 50-60 que ces mineurs délinquants, on garde sur eux un regard très négatif dont on a beaucoup de mal à sortir. Donc là, si on continue un tout petit peu, on va avancer vers le mitard. C'est dans cette cellule profonde où j'ai passé tant de journées à marcher et à me morfondre en proie à de drôles pensées que j'ai réfléchi aux misères qu'on inflige aux enfants réticents sans regarder si par derrière leur vie n'est pas sans tourment. On les ramasse, on les condamne, on les bannit de leur foyer sans même que puissent leurs âmes expliquer leur misère dévoyée. Bonnes gens, tournez-vous vers ces têtes. Leur seul crime, c'est d'avoir eu faim. Derrière ces barreaux, ils ont l'air de bêtes qui attendent que leur peine ait pris fin. Vous qui ignorez ce qui se passe, dans l'ombre se forment des bandits qui, faute de tendresse et d'espace, durcissent leur jeunesse finie. C'est toujours les mêmes qui prennent. Et c'est pourquoi que le soir très tard, un gars comme moi écrira sa peine en composant Sérénade au mitard. Yves, fait au mitard de Savigny-sur-Orge, en ce jour du 24 septembre 1953. Tribune de Paris. Les hommes, les événements, les idées à l'ordre du jour. La guerre, l'exode, l'occupation, la dispersion des familles, les déportations, les conditions même d'une libération qui, pour avoir chassé l'ennemi hors du territoire, n'a réglé aucun des grands problèmes sociaux. Enfin, la crise morale que trahit le développement du marché noir. Tout cela a remis au premier plan des préoccupations la grave question de l'enfance délinquante. Bernard Duresseuil, vous désirez intervenir ? Je vais donner le point de vue d'éducateur qui me concerne plus particulièrement. Quand un enfant nous est confié, nous ne pouvons pas faire autre chose que de constater que l'enfant n'est presque jamais responsable des fautes qu'il a commises. Et ce serait absolument inhumain de la part de la société que d'aller condamner un enfant sur des fautes dont en quelque sorte elle est responsable de par l'incurie qu'elle a témoignée à s'occuper de cet enfant. Alors il y a un mouvement très intéressant en 1945, parce qu'alors... Du côté de la délinquance juvénile, on a une délinquance juvénile importante et extrêmement violente. Les armes circulent facilement. On a appris à s'en servir, dans le maquis ou la milice, on a appris à s'en servir. Alors on trafique l'essence, les cigarettes, la nourriture, les bas. On se tire dessus pour des lots de bas en soie ou de bas nylon. Ça manquait pendant la guerre, donc voilà. Il y a donc une délinquance sur fond de trafic et de fin de marché noir et de pénurie qui demeure. Il y a donc une délinquance extrêmement importante, extrêmement violente, mais on a une vision de la jeunesse extrêmement positive, malgré tout. Qui s'explique sans doute facilement par le fait que la jeunesse a très largement contribué à la libération du pays, Il suffit de regarder les images de la libération de Paris, hein, pour voir que sur les chars Leclerc, voilà, ils sont jeunes, parfois très jeunes. Il n'y a pas de corrélation entre ce qu'on dit médiatiquement, l'importance d'un discours à un moment donné sur la délinquance juvénile, les réalités de la délinquance juvénile et le traitement de la délinquance juvénile. On a donc des périodes comme ça où la délinquance juvénile est mise sur l'avant de la scène publique. Ça ne correspond pas nécessairement à un accroissement ou à une transformation majeure de la délinquance juvénile. Dans les années 50, il y a un développement de la délinquance en général. Pour une raison fort simple, c'est qu'il y a une croissance économique très importante, donc il y a de plus en plus de choses à voler, et auxquelles les jeunes participent, hein. Et c'est pas une période où on parle beaucoup jusqu'à fin des années 50 où il va y avoir le petit phénomène blouson noir, mais qui dure pas très très longtemps. En 63, c'est fini les blousons noirs. Hein. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Sa moto qui partait comme un boulet de canon semait la terreur dans toute la région. Jamais il ne se coiffait, jamais il ne se lavait, les ongles pleins de cambouis, mais sur le biceps il avait un tatouage avec un cœur bleu sur la peau blême, et juste à l'intérieur on lisait « Maman, je t'aime ». Les blousons noirs, c'est alors pareil, hein, encore une fois, un phénomène tout à fait courant, des jeunes sur une base d'interconnaissance géographique constituent des groupes qui, pour l'essentiel, gèrent les loisirs, occupent le temps libre. Les blousons noirs travaillent en général, hein. C'est une différence avec les jeunes des banlieues d'aujourd'hui. Mais on va mettre le phare médiatique sur ces bandes suite au milieu de l'été, parce que bon, le monde du Loch Ness ne veut pas sortir, donc etc. On ne sait pas trop de quoi on va parler. Donc on parle de deux bagarres conjointes, une à Paris au Square Saint-Lambert, et puis une à Bandol, voilà, à l'affrontement de deux bandes de jeunes. Bon, c'est classique finalement, mais on va mettre l'accent sur ça, et là le phénomène blouson noir est né. Donc ça va durer pendant quelques temps, et là on va retrouver ce qu'on a trouvé pour les Apaches. Une tenue, un langage, des loisirs particuliers et des déviances particulières. On va donc retrouver la bagarre entre bandes, comme pour les Apaches, ça c'était déjà le cas. Le vol de véhicules à moteur, et c'est les viols collectifs. Pilule est le chef de la bande des blousons noirs des Batignolles. Nous sommes allés voir cette bande de garçons dont un quart environ se trouve en liberté surveillée. Leur lieu de rassemblement est ce café, la Cigale. C'est toi le chef, la Pilule ? Oui, si on veut. Pourquoi si on veut ? Non, parce qu'il n'y a jamais eu de chef chez nous et il n'y a pas rien à dire maintenant. Oui. Depuis combien de temps tu es dans la bande ? Quel âge as-tu ? C'est toi le plus vieux ? Non, c'est pour moi le plus vieux. Moi j'ai 19 ans. Quel âge est le plus vieux ? Le plus vieux, là, elle va sur 20. Et le plus jeune ? Le plus jeune, je vais avoir 15 ans. Quel métier tu as fait ? J'étais télégraphiste, fleuriste, quincailler, coursier, puis maintenant je suis plombier. Tu travailles régulièrement ? Oui, assez. Depuis combien de temps ? Plus de 2 ans. Il y a combien de temps que tu fais partie de la bande ? Ça fait un an. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'étais chez ma mère. Et puis tu es parti ? Non, non, elle m'a viré. Comment ça ? Oh, bah, elle avait un jus, elle m'a foutu à la lombe. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là ? À ce moment-là, j'étais tireur de plan. Et comment ça s'est passé ? Quand elle m'a viré ? Oui. Oh ben, ça faisait déjà 2-3 jours qu'elle ne me donnait pas à bouffer, alors j'avais demandé une avance sur ma paye. Oui. Puis, juste quand je rentre, j'avais mon avance, je suis rentré, quoi, j'étais habillé, elle me dit « Fous-moi le camp ». Alors j'ai pris la porte, je me suis barré. Dis donc, quel genre de bêtises tu te permets de faire, toi ? Quel est le maximum que tu te permets de faire ? Est-ce que je pourrais vous dire ? Tu peux répondre à cette question ou pas ? Si, je peux vous répondre si vous voulez. Quoi ? On merde un peu. Ouais, ouais, d'accord, on merde un peu les gens. Crier, chanter au milieu de la rue. Qu'est-ce qui les gêne ? Parce que déjà, permettez-moi de vous le dire, comme j'ai dit en face un jour dans la joint commissaire, la société nous aime pas les jeunes. On aime pas les jeunes. Il y en a qui les aiment, c'est vrai. Mais il y en a qui les aiment pas. Il y a toujours eu des phénomènes de délinquance juvénile et il y en aura toujours. Donc ça ne suffit pas à expliquer pourquoi il y a des moments où on en parle beaucoup et puis d'autres pas du tout, ou presque. Bon. Donc c'est qu'il y a autre chose. Et cette autre chose, ces deux autres ingrédients, donc c'est d'une part la récupération politique et d'autre part la mise en scène médiatique. Donc la récupération politique, c'est le fait à un moment donné, de se servir de peur, d'agiter ce phénomène et cette peur pour mieux s'affirmer politiquement. Donc, crier au désordre pour mieux se poser en garant de l'ordre. Crier à l'insécurité pour mieux se poser en rempart, en incarnation de la sécurité. Grand classique de la rhétorique politique qui fonctionne très bien jusqu'à nos jours et depuis très longtemps. Et puis, d'autre part, il y a la mise en scène médiatique qui joue un rôle de plus en plus important, bien entendu, dans nos sociétés, à fur et à mesure que ces sociétés sont dominées, inondées, baignées en permanence dans un environnement médiatique. C'est-à-dire comment, à un moment donné, quasi systématiquement à partir de faits divers, qui sont, de par leur traitement médiatique, transformés en phénomènes de société, et avec des faits divers qui sélectionnent dans le réel ce qui ressemble plus à l'image, à la figure dominante qui, à un moment donné, incarne à leurs yeux ce jeune dangereux. Le blouson noir du tournant des années 50 et 60, c'est une icône, hein, c'est une photographie, voilà, c'est un jeune avec un jean, un blouson... un béret parfois sur la tête, une vieille gitane ou gauloise qui pend aux lèvres, il penche un peu la tête, l'air un peu menaçant comme ça. Derrière lui, il y a une des premières mobilettes là, qui est stationnée, puis un grand ensemble en construction. Et si on mettait du son derrière l'image, on entendrait sans doute un rock américain ou sa traduction française bon, de l'époque. Aujourd'hui, ben, on a changé d'icône, d'image, mais c'est exactement le même discours. Il suffit de prendre le logiciel pour trafiquer l'image. Hein. On gomme le jean, le perfecto, on met à la place un survêtement avec une capuche. On garde la même tête inclinée, le regard provocateur. À la place de la vieille gauloise, on met un joint, une cigarette de cannabis. À la place du vieux ancêtre du vélomoteur, comme on disait à l'époque, on met le dernier scooter chinois. À la place du grand ensemble derrière en construction, on met un grand ensemble derrière en dégradation. Et puis à la place de la bande-son en rock, on met une bande-son de rap. Et on a l'image actuelle. Le quartier des Minguettes à Vénissieux a connu hier une nouvelle nuit de violence. Une véritable mini-émeute a opposé quelques 150 habitants de la cité, pour la plupart de jeunes maghrébins, à des policiers qui venaient arrêter trois cambrioleurs. À Vénissieux, c'est la goutte qui fait déborder le vase, car ce genre d'incident se multiplie maintenant depuis deux semaines. Incendies, vol de voitures, jets de pierres, saccage de magasins, le racisme s'en mêle, le taux de maghrébins est tel que beaucoup d'habitants s'en vont. L'intérêt que l'on va voir, politique, médiatique, académique, pour les jeunesses populaires à partir des années 80, n'est pas lié à quelque chose qui serait une augmentation quantitative des déviances juvéniles. On n'a pas une explosion qui permettrait d'expliquer cela. Ce qui change, par contre, c'est les modes de régulation de ces indisciplines juvéniles. Traditionnellement, je dirais, le monde ouvrier a fonctionné comme une sorte d'institution de normalisation de ces conduites déviantes. Qu'est-ce qui se passait pour un blouson noir, pour un loubard ? Bon, il avait des comportements déviants, de bandes de jeunes, et progressivement, petit à petit, finalement, il rentrait dans les fractions, il intégrait les fractions les plus déqualifiées du prolétariat industriel, il rentrait à l'atelier très fréquemment, et l'atelier n'était pas vécu comme un mode de rupture, puisque dans l'atelier, toute une série de valeurs qu'on pourrait lier à la culture de rue pouvaient se transposer. La virilité présente dans la culture de rue, bon, bah, c'est quelque chose qui se transpose dans l'atelier, on travaille bien. L'anti-autorité de la culture de rue, bon, le rejet de l'adulte, du policier, ce genre de ça, ça fabrique dans l'usine souvent même des très bonnes générations de syndicalistes ou de militants politiques, parce que c'est le rejet du contremaître, etc. Ça veut dire qu'on a une intégration, vous voyez, d'un monde qui est un monde indiscipliné à une discipline industrielle. Et cette discipline industrielle fonctionne. Pourquoi est-ce qu'elle fonctionne ? C'est pas parce que l'usine est disciplinaire en elle-même, mais c'est parce qu'elle s'accompagne de l'intégration dans un univers qui offre des contreparties. Ce monde industriel, ce monde qu'on pourrait qualifier ouvrier fordiste, dans une très large mesure, se délite largement à partir du milieu des années 70. On peut évoquer les modernisations de l'appareil industriel un peu partout en Europe, si bien qu'on a, dès le début des années 80, un chômage massif qui touche le monde ouvrier. Si bien que ce mécanisme antérieur, donc je disais, vous intégriez un monde qui était complètement englobant, qui là, pour le coup, ne trouve plus à se déployer du tout de la même manière. Et donc, effectivement, le contrôle va se déplacer vers d'autres institutions, et notamment vers les institutions d'État, police et justice, qui jusque-là, finalement, étaient en réalité assez peu mobilisées. Aujourd'hui, effectivement, la police et la justice, dans une certaine mesure, se retrouvent un peu seules, si vous voulez, sur ce travail de normalisation qui n'est plus fait ailleurs. Les mineurs délinquants plus vite jugés, le projet de loi sur l'accélération des procédures judiciaires soumis aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Accélérer la procédure pour que les mineurs délinquants passent plus vite devant les juges, c'est l'objectif du projet de loi que le gouvernement soumet aujourd'hui au vote des députés. Une accélération qui vise d'abord à raccourcir les délais de jugement alors qu'elle inquiète les tenants de la rééducation des mineurs. Le dossier avec Stéphane Faure. Lorsqu'un mineur commet un délit, il est souvent jugé de très longs mois après les faits. Un délai que le garde des Sceaux, Jacques Toubon, souhaite réduire, car selon lui, il institue un sentiment d'impunité chez les délinquants. Cette réforme de la loi propose donc, entre autres, une nouvelle mesure dite de comparution rapprochée, permettant de juger un jeune en quelques semaines. Dès lors que, effectivement, vous considérez que voilà, ces déviants juvéniles commencent à poser problème, ça a évidemment des effets. Avec au moins trois mouvements observables sur la justice, c'est d'abord une accélération du temps pénal, alors que la justice des mineurs est une justice qui jusque-là était très largement, enfin prenait son temps, travaille dans le temps avec un adolescent, elles vont s'accélérer. Le deuxième va être un durcissement, c'est-à-dire que les peines prononcées vont être de plus en plus sévères. Et dernier élément, elle va s'étendre, c'est-à-dire toute une série de comportements qui jusque-là n'étaient pas pénalisés vont le devenir. Par exemple, le stationnement dans les halls d'immeubles, ça devient un délit. La fraude d'habitude dans les transports en commun, ça devient un délit. Violences scolaires légères vont de plus en plus fréquemment se retrouver dans le bureau des juges des enfants. Et donc, on a évidemment des effets tout à fait mécaniques, c'est-à-dire que des mineurs qui jusque-là auraient été régulés par d'autres modes, l'admonestation, un certain nombre de choses, vont rentrer de plus en plus tôt dans la chaîne pénale. Je pense qu'un élément qui est tout à fait important dans le débat sur la justice des mineurs, on dit « ah ben des mineurs de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, etc. » Non, ce qui se passe, ce n'est pas des mineurs qui auraient des comportements violents ou délinquants plus tôt, plus précoces. Ce sont des jeunes qui, aujourd'hui, sont connus plus précocement qu'avant par les institutions coercitives. La principale cause de la violence, mesdames et messieurs, c'est la permissivité et c'est la démission. Je n'ai pas la vérité, mais convenons que l'ordonnance de 49 est-elle adaptée aux mineurs d'aujourd'hui, de 2010 ? Ou est-ce qu'on doit considérer que ce texte, qui a plus de 60 ans, ne peut pas être touché, ne peut pas évoluer ? Le thème de la justice des mineurs et le thème de la fameuse réforme de l'ordonnance du 2 février 1945 est un thème politique, une ressource rhétorique et politique permanente qui fait qu'on a assisté à une quarantaine de réformes de cette justice des mineurs depuis 1945. Certaines des réformes ont agit de plusieurs façons sur la définition même de ce qui est délinquant. Pour prendre des choses qui sont très très débattues, la délinquance des jeunes, c'est encore plus souvent le thème de la violence supposée croissante des jeunes. Dans la définition du délit de coups et violence volontaire, par exemple, bien, au terme de plusieurs transformations à partir de la fin des années 90 et jusqu'à nos jours, on a au fond changé le statut de la baffe. Il y a encore une quinzaine d'années, la baffe ou le coup de pied n'était pas un délit, c'était au mieux une contravention, éventuellement même quelque chose qui était réglé de manière informelle. Aujourd'hui, on peut poursuivre en justice, de manière délictuelle, une baffe ou un coup de pied, c'est-à-dire le fait de porter un coup à quelqu'un sans réel dommage physique derrière. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est faisable, et c'est la loi qui a changé. Ça ne sont pas les gifles ou les coups de pied qui sont échangés, notamment par les collégiens, par exemple. Bon. Donc le durcissement, on peut le dater relativement précisément, en gros, c'est à partir des années 1990. C'est le moment où la société recommence véritablement, on rentre dans un nouvel épisode de panique sur sa jeunesse, et construit une image, un stéréotype de ce danger jeune, qui est l'image du jeune de banlieue, issu de l'immigration, qu'on dira plus tard arabo-musulman, etc. Bon, c'est le moment dans lequel nous sommes toujours plongés, bien entendu, et que les attentats de janvier 2015 n'ont évidemment pas arrangé. C'est le moment où cette figure se met en place. 1990, c'est ce qu'on va appeler pour la première fois des émeutes en France. On ne parle plus des rodéos des années 80, on parle des émeutes, et le mot est important, il y a toute une sémantique et une peur qui arrive avec. 91, c'est la première guerre du Golfe, avec le contexte français, des peurs de rébellion, de soulèvement, etc. C'est à ce moment-là que cette image du jeune arabe de quartier, pour dire les choses, se cristallise. Et cette peur et la réponse au fond des pouvoirs publics à cette peur va se traduire dans ce qu'on appellera plus tard la tolérance zéro ou l'impunité zéro, en tout cas dans cette idée qu'il faut apporter une réponse de type institutionnel à tout. Couvre-feu instauré dès ce soir 20h dans les quartiers sensibles de Gennevilliers et d'Asnières, couvre-feu aux portes de Paris pour les mineurs. Les forces de l'ordre veulent mettre un terme aux affrontements à répétition entre bandes de jeunes issus des quartiers rivaux, des violences qui ont fait depuis ce week-end un mort et deux blessés. Le couvre-feu ne concerne que certains quartiers. Quant au dispositif de sécurité, eh bien, elle va impliquer des effectifs importants. Il y a ce qu'on pourrait appeler une sorte de politisation de la question de la délinquance juvénile. Elle se politise à partir de la fin des années 70, du début des années 80, c'est-à-dire que des hommes politiques, et d'abord des hommes politiques locaux, s'investissent sur ce terrain-là. Et pendant les années 80, effectivement, On est dans un contexte dans lequel on va considérer que s'il existe des désordres juvéniles, ces désordres juvéniles sont relativement liés à une série de facteurs sociaux très importants. On a un basculement qui s'opère et qui consiste finalement à dire bon, au fond, c'est pas tant une question de cause sociale. Et donc, on va enfourcher une thématique commune aujourd'hui, qui est la question de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, c'est une analyse finalement du monde assez simple. C'est-à-dire, au fond, les individus seraient responsables de leurs actes. Bien sûr, ils le sont. Mais, voilà, les gens choisiraient leur comportement en fonction d'un calcul coût-avantage. C'est-à-dire, ben, est-ce que ce comportement me rapporte plus qu'il ne me coûte? Ben, s'il me rapporte plus qu'il ne me coûte, je vais le faire. Alors, évidemment, ça dédouane un certain nombre d'hommes politiques d'un certain nombre de mesures. C'est très pratique. Parce que, évidemment, c'est d'une logique écrasante. Si, simplement, c'est un calcul coût-avantage, bah, c'est très simple. Il suffit d'augmenter le coût et de diminuer les avantages. Et augmenter le coût, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement faire en sorte que la répression soit plus dure, que le contrôle soit plus fréquent. Et si vous faites cela, évidemment, bah, si les peines sont plus dures, vous deviez faire disparaître la délinquance. Bon, je vais vous apprendre un secret, mais en réalité, la délinquance juvénile n'a pas disparu en France. C'est donc sans doute ce calcul n'est pas le plus juste. Lorsqu'un jeune arrive à 18 ans, mentalement et psychiquement et physiologiquement, son cerveau n'est pas encore complètement fabriqué. Dominique Attias, avocate. Ces enfants ne peuvent pas, ces jeunes ne peuvent pas être considérés comme des adultes. Or, la justice, de plus en plus, en tout cas entre, on va dire, 2002 et 2012, ou 2000 et 2012, a de plus en plus rapproché ces jeunes des adultes en créant des tribunaux qui ne sont plus spécialisés, en oubliant que tout acte commis par un jeune, y compris un acte répréhensible, a souvent une origine autre qu'il faut comprendre, car il n'existe pas, même si ce sont des affaires simples, il n'existe pas de geste anodin. C'est-à-dire qu'un vol derrière peut cacher un appel à de l'aide, il y a des problèmes à la maison, il y a des problèmes à l'école. C'est un jeune qui a commencé, par exemple, à prendre des produits stupéfiants et il ne sait pas comment s'en sortir. C'est un jeune qui est racketté. Il n'ira pas raconter les raisons pour lesquelles, si on lui demande dans l'immédiat, s'il n'y a pas un vrai travail de mise en confiance et de compréhension de la situation familiale, de la compréhension de la situation du jeune, ça n'est pas lui qui expliquera dans l'immédiateté. Il sera jugé avec donc des décisions qui n'auront pas de sens pour lui, qui éventuellement l'entraîneront soit vers le bas, soit vers la récidive, et en conséquence sont tout à fait négatifs pour la société, dont le seul objectif, c'est que le jeune s'en sorte, c'est que le jeune se réinsère, c'est que le jeune serve à la société, car la vie est longue, et avoir un jeune qui est définitivement marqué, en tout cas pour lui-même, comme un délinquant, ça n'est pas ça qui l'aidera à s'en sortir. Ce sont des gamins. Même quand on les voit quelquefois, ces grands balèzes de 16 ans et qui sont en face de vous, si vous les traitez, j'allais dire, avec respect, c'est-à-dire sans les mépriser, ce sont des gamins. En rang serré avec au centre Nicolas Sarkozy, visage fermé. Autour, 200 jeunes, un comité d'accueil plutôt agité. Les premiers projectiles fusent avec les insultes. Valise en Kevlar et parapluie, le service d'ordre tente de protéger le ministre. Il y a 100 mètres à faire jusqu'au commissariat, l'objet de la visite. Des étages, les habitants observent la scène. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Une petite phrase et une heure de visite. Alors, les médias s'intéressent, depuis, j'ai envie de dire, de longue date aux questions de sécurité. Là où c'est plus surprenant, c'est de voir, effectivement, à partir de la fin des années 90, notamment, enfin, au milieu des années 90, de voir ce que l'on appelle la presse d'information générale et politique, par exemple Le Monde, qui fait sa une sur délinquance alerte à l'été 2001, avec des affichettes dans les kiosques. Vous voyez, bon, c'est-à-dire qu'on voit, effectivement, la thématique de la sécurité qui va passer de la thématique de la rubrique des faits divers pour devenir des faits de société. Bon. Je m'étais amusé à dépouiller les émissions de télévision entre 1995 et 2002 consacrées aux questions d'insécurité. Bon, si vous regardez, c'est l'élite des journalistes politiques qui s'occupe de cela. C'est-à-dire les Tchabos, c'est des gens comme ça. Vous voyez, on n'est pas sur des rubricards, on est sur, vous voyez, les grands journalistes d'information politique. C'est eux qui gèrent ces thématiques de l'insécurité. Et ce qui est tout à fait important, c'est que, en se saisissant, si vous voulez, de cette thématique-là, évidemment, les médias vont contribuer largement à cadrer le débat, à poser, si vous voulez, les bornes du pensable et du dicible en matière de sécurité. D'abord, ils vont homogénéiser des situations très hétérogènes en les alignant par le bas. Alors, si je vous dis aujourd'hui banlieue, vous avez immédiatement une image qui vient en tête, qui est celle d'un grand ensemble dégradé, bon, voilà, avec des jeunes à capuche en bas. Voilà. Deuxième élément, on va contribuer à diffuser des clichés qui ne sont pas nécessairement exacts, mais qui vont devenir vrais en étant répétés d'éditorial en plateau de radio et en émission de télévision. Et évidemment, on va voir que dans cette période-là, sur ce que j'ai pu étudier, on va voir une revalorisation très très conséquente, si vous voulez, d'un point de vue très coercitif. Si vous regardez les reportages, vous apercevez que près de 80% des reportages qui ont été diffusés dans ces cas-là sont alarmistes. C'est-à-dire, c'est la caméra embarquée dans une voiture de la BAC. Parce qu'évidemment, tout ça fonctionne, enfin, c'est visuel. Imaginez un reportage dans le bureau d'un juge des enfants. Il faut être en radio pour faire ça. Oui, revenez l'année prochaine. Oui, on va voir. Bon. Donc, alors que, imaginez, vous rentrez dans une voiture de la BAC, une pierre vole, le gyrofarce, les pneus crissent. Bon, c'est bon, vous y êtes, quoi. Vous êtes dedans. Bon. Je cite à un moment donné cet échange assez amusant de Jacques Chirac avec Olivier Mazerolle. Donc, on est juste après le second tour des élections de 2002 où, effectivement, Jacques Chirac a affronté Jean-Marie Le Pen. Et on lui demande, oui, mais est-ce que vous n'en avez pas fait un peu dans la campagne? Il y a une campagne particulièrement hystérique sur les questions de sécurité. On dit à Jacques Chirac, mais est-ce que vous n'en avez pas fait un peu trop? Et Jacques Chirac, avec un grand sourire, dit, mais monsieur Mazerolle, je regarde votre journal télévisé. On assiste en effet, depuis maintenant 25 ans, hein, on assiste à la cristallisation d'une figure du péril jeune qui a une dimension de plus, au fond, que nous n'avions jamais eu. L'Apache, comme son nom l'indique d'ailleurs, a déjà un côté barbare. L'Apache en 1900, c'est le sauvage du Far West américain. Bon, le blouson noir, c'est aussi quelque part celui qui est perverti par ses cultures américaines, cette industrie cinématographique, etc. etc. Mais c'est quand même quelque chose qui reste dans notre monde, qui reste aussi caractéristique de la jeunesse, etc. Le jeune d'aujourd'hui, non seulement a ce côté barbare, a ce côté perverti par les modes culturels censés venus d'ailleurs, etc., mais il a de surcroît cette image supplémentaire du danger qui renvoie en réalité à l'ordre du monde dans lequel nous vivons. Il est donc supposé être arabo-musulman, comme on dit aujourd'hui. On a bien vu ce phénomène se mettre en place, d'abord à partir donc des affaires du foulard islamique, puis renforcé encore évidemment après les attentats du 11 septembre, et jusqu'aux attentats français évidemment de janvier 2015. Donc il a ce poids encore supplémentaire qui vient, je dirais, alourdir encore plus le costume du jeune délinquant. Et le drame de l'histoire, c'est que plus nous stigmatisons, plus nous fabriquons cet épouvantail du jeune barbare, dangereux, violent, antisémite, violent envers les femmes, parce que, par ailleurs, soi-disant, parce que musulman, parce que terroriste, bon, bref, plus nous fabriquons cette espèce de costume effrayant, hein, plus c'est un rôle offert à certains jeunes qui sont par ailleurs en crise identitaire totale et qui n'ont pas grand-chose d'autre, justement, comme rôle ou comme habit à se mettre, et plus nous renforçons, il y a une espèce de cercle vicieux là-dedans aussi, hein, c'est un phénomène classique, malheureusement, en sociologie, de stigmatisation et de contre-stigmatisation. C'est ce que disait au fond Coluche, hein, dans son célèbre sketch sur le qui mettait en scène un clochard et qui se lève à un moment donné et puis dit « La société ne veut pas de nous, qu'elle se rassure, on ne veut pas d'elle ». Bon, et bien c'est un petit peu la même chose qui se passe malheureusement. Le péril jeune ou la fabrique d'une peur, avec Laurent Mucchielli, Laurent Bonelli, Jean-Jacques Ivorel, Véronique Blanchard et Dominique Attias. Extrait des films La guerre des boutons d'Yves Robert et Les 400 coups de François Truffaut. Lecture et chant Marius et Octave. Merci à Catherine Sultan, directrice de la PJJ. Archivina Marine de Canse. Prise de son Marcos Darras. Mixage Cédric Chatelus. Attachée d'émission Christine Bernard, Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Un documentaire de Camille Jusa et Julie Béressi pour Sur les Docs. Combattants, engagés, brigadistes, jeunes en rupture, mercenaires ou pacifistes, LSD à l'heure d'été, c'est terminé pour cette semaine. Et pour nous réécouter au mitard, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Olivier, Mathias Méry et Annelise Signoret.